obsédé par le bendo, j'avoue que ça me perturbe. Depuis l'époque je ne pardonne pas. Je n'ai pas fait tout ça pour te plaire. J'en ai perdu des frères et malgré ça je reste en bas. Des sensations impossibles à oublier. L'amour s'est fait oublier. La petite va te donner normal. Décidément je suis perdu pour de vrai. Ouais mes décisions me perdent et je suis indécis, je perds normal. Elle me regardait pas quand j'avais pas le butin. Elle veut pas le plus beau, elle veut des Louboutins. Ouais, faut pas rêver de ma life, ma gueule c'est évident. J'ai des amis d'enfance qui hâtent de m'éviter. Ouais, je vais oublier cette pute, elle était maléfique. Elle va disparaître dans une fumée de Californie. Les bâtards qui racontent connaissent mal les faits. Le mal est fait, c'est magnifique. Et motherfuck de mal informé. Je me sers de moi pour faire du mal avec mes mains, je suis fier de moi. Maman se demande toujours ce qu'elle va faire de moi. Je suis collé à la street, je l'aimais perdument. Et pour ma paire de Nike, j'irai faire du mal. Je suis collé à la street, je l'aimais perdument. Ouais, pour ma paire de Nike, j'irai faire du mal. Je suis collé à la street, je l'aimais perdument. Avant le rap, je suis connu dans ma ville. Ils veulent rapper nos vies et une misère qu'ils ne connaissent pas. Les boîtes aux lettres et l'odeur de la piste. Tous mes péchés s'empilent. Je suis grillé comme un père d'Air Max. Faire du mal. De toute façon, je suis grillé comme un père de Nike. Je fais un max de billets pour ma pauvre mère. C'est pour ça que j'ai de la salade dans ma paire de Nike. Et on en perd du monde vers 6h du mat. Plusieurs façons de briller, mais pas pour longtemps. Ils connaissent bien nos vices, ils connaissent bien nos têtes. Avant le début de l'été, je suis menotté. Il paraît que ça devient vital. Là, je pense à quitter le pays, moi. Ils parlent de contrôler la ville. Ça fait un bail qu'on les a tricards. Petit frère joue avec la guitare. Il sort un choc et roule un cigare. Elle est si bonne, mamacita. T'es prêt à fumer toute la cité. Juste pour une insulte, une mauvaise parole citée. Mais qui va provoquer l'incident? Tu n'as pas besoin d'être assisté pour retrouver la cible sans retracer la cime. Maintenant faut qu'il assume. Plié dans ton corps, là il a peur du noir. Tu vas lui écraser la tête avec ta paire de Nike. Là il a peur du noir. Tu vas lui écraser la tête avec ta paire de Nike. Avant le rap, je suis connu dans ma ville. Ils veulent rapper nos vies et une misère qu'ils ne connaissent pas. Les boîtes aux lettres et l'odeur de la piste. Et tous mes péchés s'empilent. Je suis grillé comme un père d'Air Max.